DJ Kaysius, Exclusive Style, numéro 1 sur Alger, aïe aïe aïe. Eh, Algérien d'Awa, cousin. Elle apostrophe. DJ Kaysius, hey. Algérien d'Awa là, mais c'est quoi cette musique là encore là, oh là. L'apostrophe normale, comme le dirait Sahab, les signes fin no why. Ivry Guest, nous oublie le champagne. Je représente la ville d'Alger, Waran. Dawa, de Tlemcen jusqu'à Nebra. De Constantine à Sidi Bel Abbès. Bis, cravate, narcétif et pilka. Big up à mes voisins, marocains et tunisiens. Peu importe d'où tu viens, on t'accueille bien. Toujours les bras ouverts, vert et blanc sur la cover. Belle gosse dans le humeur, carsos pour les rumeurs. Plus en place que nous, tu meurs. Jeunesse, Raï, le Clouba. Ici c'est Dawa, Dawa. Vive à l'Algérie, Exclusive Style, eh oui, numéro 1 au pays. Qui a dit qu'on n'était pas capable? Sur la feuille de match, la Copa Mondiale. Des millions de personnes derrière Monsieur Sardin. L'Algérie à Marseille, ambiance de dingue. Tout le monde derrière vous. Tout le monde derrière nous. Tout le monde derrière vous. Tout le monde derrière nous. Algérie, Mashallah. Algérie, Mashallah. Algérie, Mashallah. Algérie, Mashallah. Pour tous les joueurs, on lève les bras. Pour notre entraîneur, on lève les bras. Et des supporters, on lève les bras. Et pour moi, on lève les bras. Yeah, on ralentit le truc, la famille là. C'est Algérien Dawa, DJ Kaysius, L apostrophe. Tout le monde se lève avec moi là, tout le monde. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est 1, 2, 3, viva l'Algérie. Tout le monde. Pour tous les joueurs, on lève les bras. Pour notre entraîneur, on lève les bras. Et des supporters, on lève les bras. On lève les bras, on lève les bras. Pour tous les joueurs, on lève les bras. Pour notre entraîneur, on lève les bras. Et des supporters, on lève les bras. On lève les bras. Viva l'Algérie. Yeah, DJ Kaysius, Exclusive Style, L'apostrophe, mon pays, l'Algérie. Coupe du monde 2010, mec. Hey, groupe C. Mais c'est qui ce mec là?